Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, à la poursuite des livres manquants, une série d'Élise Gruau réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a les livres qu'on attend, ceux qui ont disparu, d'autres dont on ne connaîtra jamais l'existence, et le souvenir de ce moine qui dévore les pages du manuscrit qu'il exècre. Il y a aussi des quêtes qui sont comme un écho des aventures d'Indiana Jones et des publications qu'on n'attendait plus. Alors pour commencer, les personnages. Un libraire heureux, un héritier pointilleux, un intermédiaire qui veut aboutir, un auteur comme un moine-soldat, un président de bibliothèque et son trophée, un chercheur fidèle au maître, les pères de l'église, un biographe et Paul Venn. Ensuite le décor. 34 ans de suspense, un tapuscrit, la BNF, des pages manuscrites, des archives et des boîtes, de l'admiration, une archéologie de la sexualité, le christianisme, une pensée en marche, des désirs sous surveillance, l'antiquité, la maladie, puis la mort et finalement Satan. Aujourd'hui, troisième épisode, on arrive à la librairie. On est aux 4 rue de l'Odéon, dans le 6e arrondissement, devant la librairie Benoît Forgeot. En vitrine, un beau buste de James Joyce, en noir, entouré par un livre ouvert, Les Mémoires de Casanova. Benoît Forgeot, qui s'est occupé de la vente des archives Michel Foucault à la BNF. À la poursuite des livres manquants, un dernier Foucault publié, et la chair passa aux aveux. Élise Gruau, Anna Schmuck. Ça sent bon les pages anciennes ici. Des volumes reliés un peu partout. Un cadre qui annonce voter Sade. Bonjour. Tu veux poser la question? Oui, oui, je vais poser la question. On a une question sur Georges Vénère. Tu me diras la réponse. Parmi les livres manquants figurent aussi les œuvres inachevées, interrompues par la disparition prématurée de leur auteur. Les aveux de la chair de Michel Foucault, quatrième volume de sa monumentale histoire de la sexualité, est de cela. Ce livre était devenu une légende. On en connaissait le titre, des passages avaient circulé à l'étranger en édition pirate, les cours au Collège de France en montraient certains résultats, mais du livre, point de trace. C'était le grand absent. Et voilà que 34 ans après la mort de l'auteur, cette pièce manquante est enfin livrée au public. Et cela, peu après l'acquisition par la Bibliothèque nationale de France des archives personnelles de Michel Foucault. Accueilli avec une excitation digne du nouveau tome d'une saga, le livre mythique du philosophe a caracolé en tête des meilleures ventes au printemps 2018. Benoît Forgeot, nous sommes dans votre librairie, au premier étage, dans votre bureau. C'est vraiment un très bel endroit. Qu'est-ce que vous faites ici? Quel est votre métier? Alors, je suis libraire de livres anciens et modernes, de livres de collection, et ici je travaille, je fais des recherches, je décris les livres soit dont je suis le possesseur, soit que l'on m'a confié, comme par exemple des archives, et c'est mon lieu de travail, c'est mon antre. Est-ce que vous menez des enquêtes pour retrouver des livres? Est-ce que des gens vous mandatent, vous commissionnent des recherches? Alors non, on n'est pas mandaté pour retrouver des livres, mais on en retrouve de fait, soit parce que l'on ne peut acheter des successions, soit parce que l'on organise des ventes publiques, soit parce que des héritiers d'écrivains nous confient les archives de la personne qui leur a légué. Et donc, il arrive qu'on trouve des livres inconnus, manquants, mais malheureusement, ça n'est pas si fréquent. Je n'ai pas de spécialité. Ma spécialité, c'est de ne pas en avoir, parce que c'est le sel de ce métier, c'est de découvrir tous les jours quelque chose de nouveau. Donc je me refuse à me spécialiser, donc je m'occupe aussi bien de livres anciens, depuis le 15e siècle jusqu'au 20e siècle, et d'archives, évidemment. Qu'est-ce que vous avez, par exemple, de très ancien? Alors, écoutez, ici, il y a un manuscrit de Christine de Pisan, qui est de 1460, et à côté, des manuscrits de Jean Genet. Donc, voilà le grand écart. Le miracle de la rose de Jean Genet, là c'est un grand format, c'est une édition illustrée par un artiste ? Non, il s'agit d'une copie dactylographiée, ce qu'on appelle dans notre jargon un tapuscrit corrigé, qui vient de la collection de Paul Morien, l'un des deux éditeurs de Genet, et ami de Cocteau. Et Benoît Forgeot, vous êtes chargé de la transaction pour l'acquisition par la Bibliothèque nationale de France des archives de Michel Foucault. Comment est-ce que vous êtes venu à intervenir dans cette vente ? Alors ça s'est passé de la façon la plus naturelle possible. Daniel Defer m'a contacté, qui est l'héritier, l'ancien compagnon et l'héritier de Michel Foucault, m'a contacté pour décrire, inventorier, estimer puis négocier ses archives. J'avais déjà fait ça à nombreuses reprises. J'ai notamment vendu par exemple les archives de Guy Debord à la Bibliothèque nationale. Et donc voilà, ça a pris je pense un an et demi ou deux ans, le temps de tout inventorier. Et à l'époque, le président de la Bibliothèque nationale de France était Bruno Racine, avec qui j'entretenais les meilleures relations, et qui évidemment a été tout de suite intéressé. Donc ça a donné lieu à un certain nombre de négociations, c'est toujours un peu long. Mais heureusement aujourd'hui, les archives de Michel Foucault sont conservées à la BNF et représentent une source pour les chercheurs absolument extraordinaire. Puisqu'il y a plus de 20 000 feuillets et manuscrits, autographes, de la main de Foucault. La part peut-être la plus extraordinaire, ce sont les notes de lecture de Foucault, qui représentent des milliers de pages, qui en même temps sont le témoignage d'un travail de véritable moine-soldat dans les bibliothèques publiques, et qui sont la clé de l'œuvre. Au fond, c'est la source de l'œuvre. C'est un peu l'atelier de Foucault, si j'ose dire. Et ça, c'est le chaînon manquant, ou qui manquait, qui ne manque plus, pour la compréhension de la mise en œuvre de la pensée de Foucault. Est-ce que les spécialistes connaissaient l'existence des archives de Michel Foucault ? Alors, si j'en juge, parce que j'ai lu après l'acquisition, certains en ignoraient tout, ou imaginaient qu'il n'y avait qu'un petit bout. Daniel Defer les a conservés, et je pense que c'est ça l'essentiel. Et il a permis qu'aujourd'hui ce soit à la Bibliothèque nationale de France. Et voilà, elles sont révélées aujourd'hui, elles sont disponibles, accessibles aux chercheurs. Alors je peux comprendre la frustration de certains chercheurs qui n'imaginaient pas l'étendue et la richesse de cette archive. Mais l'essentiel au fond, c'est qu'elle soit disponible aujourd'hui. Dès qu'on voit de l'écriture manuscrite, c'est un peu la personnalité de l'écrivain ou de l'auteur qui transparaît. Et dans le cas de Michel Foucault, une très belle écriture. J'avais ressenti la même émotion en découvrant, par exemple, les manuscrits de Casanova, qui du coup étaient pratiquement invisibles. Bruno Racine, vous avez été président de la Bibliothèque nationale de France de 2007 à 2016. Et à ce titre, vous avez opéré quelques grandes acquisitions. On savait que Michel Foucault avait légué à Daniel Defer l'ensemble de ses archives, ce fonds qui comportait un nombre considérable de papiers inédits, puisque c'était en grande partie, même pour l'essentiel, les notes de travail de Michel Foucault. Mais il y avait aussi cet ouvrage inachevé qui a été publié depuis lors, les aveux de la chair. Et je pensais que ce fonds devait rester en France, qu'il avait toutes les caractéristiques pour être défini comme un trésor national, eh bien, nous sommes entrés en discussion. La valeur du fonds était à la hauteur de l'importance de Michel Foucault, mais néanmoins accessible grâce aux lois sur le mécénat. Et donc, nous avons réussi à l'acquérir. Je crois que l'acquisition s'est terminée en 2014. Depuis que le fonds est accessible, les chercheurs font leur délice de cette masse énorme. C'est tout le processus intellectuel de Michel Foucault, toutes les connaissances qu'il explorait ou qu'il exploitait en tant que chercheur, en tant que lecteur à la Bibliothèque nationale, ce sont en grande partie des fiches de lecture. Vous savez que Michel Foucault ne souhaitait pas qu'il y ait de publication posthume. En même temps, c'est sa famille qui est détentrice du droit moral et qui, de manière très rigoureuse d'ailleurs, autorise des exceptions à ce... À cette règle. Ça, c'est le cas pour les aveux de la chair, c'était le cas pour des cours au Collège de France. Vous avez des éditions rares? Non, j'en avais une que j'ai vendue il y a très peu de temps. Il ne me reste plus rien de Foucault, non. Malheureusement, j'aurais été très heureux d'attraper quelque chose, mais je viens de vendre un bel exemplaire des Mots et les Choses avec un envoi, enfin... Non. Benoît Forgeon, est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'était quand vous êtes entré dans l'appartement de Daniel Defferre et Michel Foucault et vous avez découvert ces archives? C'était très émouvant parce que en rentrant dans l'appartement, j'avais en tête les photos d'Hervé Guibert de Foucault. On voit Foucault dans son peignoir avec ses grandes portes, avec ce jeu de miroir. Donc c'était très émouvant de rentrer là. Et puis, voilà, Daniel Defferre, qui est l'homme le plus délicieux de la Terre, a sorti peu à peu les dossiers, n'a pas tout sorti tout de suite, et on a commencé à travailler, puis finalement, peu à peu, on a une sorte de routine ensemble, et j'avais le sentiment que ça ne se terminerait jamais, j'en étais très heureux, il a bien fallu que ça s'arrête un moment. Mais c'était inouï, parce qu'au fond, il a sorti... chaque nouveau dossier était un dossier... une découverte, une plongée dans un univers particulier. Ça se présentait sous quelle forme? Dans des boîtes d'archives et puis sous des dossiers, parfois avec des lanières, parfois non. Et avec ce côté, là encore très touchant, c'est que les notes de lecture étaient rassemblées de façon thématique, puisqu'au fond, ils s'en servaient ensuite pour écrire. Et Foucault ne conservait pas les manuscrits de ses œuvres publiées. Et donc beaucoup de ces dossiers sont réunis par des feuilles pliées en deux sur lesquelles on met un titre et qui sont généralement des feuilles de manuscrits de livres publiés. Donc il y aurait presque quelque chose à faire, une sorte d'archéologie de l'archive, essayer de retrouver quels sont les bouts de manuscrits qui ont servi à classer toutes ces notes de lecture. Michel Foucault, c'est un auteur qui a compté dans votre vie? Alors oui, bien sûr, surtout c'est un auteur qui a... c'est une clé, c'est une manière de raisonner, c'est une façon de voir les choses, de les considérer autrement. Voilà. C'est un ouvreur, une clé. Nicolas Demorand. Et c'est un événement éditorial philosophique. Les éditions Gallimard publient Les aveux de la chair. 7 février 2018. Volume inédit et inachevé. France Inter. De la magistrale histoire de la sexualité de Michel Foucault. Ce texte, qui sort donc en 2018, devait venir parachever l'histoire de la sexualité, la mort du philosophe en 1984 ayant empêché le projet d'aboutir. J'ai en main ce livre, Les aveux de la chair, Histoire de la sexualité, volume 4. On voit sur son grand bandeau rouge la mention inédit. Frédéric Gros, vous êtes philosophe et vous êtes l'éditeur scientifique des aveux de la chair. Que s'est-il passé pour qu'un inédit de Foucault d'une telle importance paraisse en 2018? Alors c'est effectivement un inédit. Et c'est un livre qui a beaucoup fait rêver, j'allais même presque dire fantasmer les chercheurs. Moi, j'ai commencé à étudier Foucault à la fin des années 80. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais enfin, on était dans les premiers à travailler un peu sur Foucault au moment où on disait « Mais vous savez, Michel Foucault, c'était un effet de mode, ça ne va pas rester, etc. » Et c'est vrai que ce volume-là, « Les aveux de la chair », le titre circulait entre les chercheurs parce que c'était un livre dont on s'est demandé pendant longtemps, d'abord s'il existait, vraiment s'il avait été écrit, et deuxièmement s'il n'avait pas été brûlé après avoir été écrit, enfin quand je dis brûlé ou déchiré, voilà. C'est le volume 4 de l'histoire de la sexualité, donc ça vient après le souci de soi et l'usage des plaisirs, qui ont été des volumes parus au moment même de la mort de Foucault. Hein. Foucault est mort au mois de juin 1984 et au même moment paraissaient ces tomes 2 et 3 de l'histoire de la sexualité. Et je voulais juste, vous dire à quel point ce livre nous a fait rêver, nous, jeunes chercheurs, à la fin des années 80. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, en 1976, Foucault écrit « La volonté de savoir » qui devait être le premier volume d'une série appelée « Histoire de la sexualité ». Enfin, Foucault avait déjà écrit « Histoire de la folie », « L'histoire de la prison », maintenant « L'histoire de la sexualité ». Donc on attendait beaucoup en 1976, et puis après, plus rien. Plus rien, plus rien, et Foucault n'édite plus rien. Alors on se dit, est-ce qu'il a des problèmes avec son éditeur ? Il continue à travailler beaucoup, à donner des cours au Collège de France, mais alors même que le rythme était quand même assez soutenu, les mots et les choses, l'archéologie du savoir, surveiller et punir, plus rien pendant des années et des années. Et sur la quatrième de couverture de La volonté de savoir, ce qui était annoncé, c'était des volumes dont les titres faisaient un peu envie, hein, La femme, la mère et l'hystérique, La population des pervers, enfin des choses comme ça. Et quand Foucault a en tête cette première version de l'histoire de la sexualité, il veut écrire une histoire de la sexualité moderne. La manière dont le sexe est devenu un objet politique, un objet scientifique et dont il traverse notre existence à partir du XVIIe, XVIIIe jusqu'au XIXe siècle, quelque chose qui serait comme une archéologie de la psychanalyse. C'est-à-dire la psychanalyse est-ce qui nous impose de réfléchir notre identité à partir de notre histoire sexuelle. Certaines manières, la leçon de la psychanalyse, c'est si tu veux savoir qui tu es vraiment, interroge ta sexualité, ce qu'il en est de tes rapports d'amour, affectif, de désir par rapport à tes parents, tes proches, etc. Et Foucault, dans ses années, fin des années 70, c'est vrai qu'il commence déjà à travailler sur le christianisme de 17e, 18e siècle, c'est-à-dire le christianisme de la direction de conscience, par exemple, le christianisme aussi de la confession, c'est-à-dire ce moment où on demande aux gens, mais qu'en est-il de ton désir, qu'est-ce que tu as ressenti en faisant ceci, en faisant cela, est-ce que tu ne peux pas... Les interrogatoires de la confession sont très intéressants parce qu'ils essayent de porter sur les émois, sur les espèces de frissons qu'on peut ressentir en voyant cela ou en écoutant ceci, etc. Donc on voit bien qu'il y a toute une sexualisation des existences qui est passée à travers l'Église. C'est l'Église qui nous a fait penser que peut-être qu'il rentrait un peu de désir suspect et de concupiscence dans le plaisir qu'on pouvait avoir à manger tel ou tel morceau, ou même à écouter tel ou tel fragment musical, etc. Donc on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est comment on a sexualisé les existences, étendu la sexualité de telle sorte qu'au fond la psychanalyse ne fait que prélever tout ça. À quand remonte votre dernière confession ? Une éternité. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Quels sont vos péchés, mon fils ? Eh ben, en 1968, au sapin de Noël de l'usine, j'ai embrassé Betty Jablonski. Dorothy était dans la pièce à côté avec les autres femmes. C'est arrivé comme ça. Oui, continuez. Au départ, il fait une sorte de traque. Enfin, il recherche comment l'Église a traqué. Oui, le désir. C'est exactement ça. Je trouve que votre terme est à la fois fort et inexact. Fort parce que vous dites on va traquer, donc il y a vraiment l'idée de questionner, il y a vraiment quelque chose d'inquisitorial dans l'idée de traquer. Mais là où il est inexact, c'est qu'au fond, quand on dit traquer, ça suppose que l'objet qu'on traque existe déjà. Sauf que là, on va susciter la sexualité beaucoup plus que la traquer. Et c'est ça la génialité et la perversion du dispositif. C'est-à-dire, à force de nous rendre suspects à nous-mêmes certains plaisirs innocents qu'on peut avoir, et ben nous-mêmes on va établir la synthèse entre des désirs plus inavouables et puis ce désir ou pas. C'est-à-dire que cette traque de la sexualité est en même temps une immense machine à provoquer la sexualité partout. C'est ça la grande thèse de Foucault, c'est de dire, arrêtons de dire que l'Église a réprimé la sexualité, que l'Église a censuré la sexualité, que l'Église l'a interdit. L'Église l'a provoqué sans cesse partout. C'est-à-dire qu'elle n'a cessé d'étendre ce soupçon de la sexualité derrière chacune de nos manifestations d'existence. Comment dire, l'Église chrétienne pour Foucault est ce qui a introduit par rapport à notre sexualité un nouveau désir qui est le désir d'en parler et un nouveau plaisir qui est le plaisir de l'étaler. Et j'allais dire casser ou en tout cas mis relativement dans l'ombre le problème du plaisir corporel. Grand discours de la sexualité, que ce soit dans la médecine ou que ce soit ensuite dans les sagesses, mettons, orientales ou autres, ça consistait à dire quand est-ce qu'il faut le faire, à quelle fréquence, etc. C'est-à-dire comment, pour avoir soit le maximum de plaisir, soit un plaisir qui soit le plus sain possible, etc., aménager sa sexualité. Mais il ne s'agissait pas d'en parler, vous voyez, c'est, le problème c'était celui du plaisir, des plaisirs, de la qualité des plaisirs. Et là, ce qui s'instaure avec le christianisme, avec l'obligation de la confession, c'est l'introduction d'un nouveau plaisir, hein, et on baigne dedans, tant mieux ou tant pis, j'en sais rien, mais c'est-à-dire de notre sexualité, oui, on fait quelque chose dont on parle, dont on aime parler, oui. 10, je vous salue Marie, et 5, notre Père. Dieu vous pardonne parce qu'il vous aime. J'absous tous vos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Padre. Michel Foucault au micro de Paula Jacques en 1977. Il y a tout de même peu, je crois, de religions. Il y en a quelques-unes. Le christianisme n'est pas le seul. Enfin, il y a tout de même peu de religions qui imposent comme une des obligations absolument fondamentales de l'existence de raconter ses fautes. Et surtout, alors ça, le christianisme est seul à imposer cette confession d'une manière aussi régulière, aussi fréquente, la confession hebdomadaire dans les milieux catholiques. Enfin, moi, quand j'ai été élevé dans des collèges religieux, c'était au moment de la Seconde Guerre, là, la confession une fois par semaine était monnaie courante. Avec examen de conscience et bien sûr référence majeure au péché contre la chair comme le péché par excellence, c'est tout de même une espèce de dressage à ne prendre conscience de soi qu'à travers le filtre de la sexualité, pas tout de même un dressage absolument formidable. Et je crois que le christianisme a été le seul à l'imposer à ce point. Et alors c'est là où, si vous voulez, le principe de l'aveu sexuel, de découvrir sa propre vérité dans sa sexualité, a été le noyau à partir duquel la science de la sexualité s'est développée. Le premier tome est très programmatique, c'est-à-dire il annonce, il dit « voilà ce dont je vais vous parler pendant 5 ou 6 volumes ». Et puis après, plus rien. Enfin, quand je dis plus rien, en même temps, il fait des cours au Collège de France tous les ans, où il travaille sur la gouvernementalité, sur la raison d'État, sur le néolibéralisme. Donc c'est une période qui est très productive conceptuellement, mais on a l'impression que cette histoire de la sexualité qu'il avait annoncée, elle s'éteint un peu. Ce qui est sûr, c'est qu'il écrit. C'est qu'il écrit des volumes. Il écrit, par exemple, tout un volume qui est presque achevé, qui s'appelle « La croisade des enfants » sur la masturbation, sur la manière dont la masturbation, la hantise de la masturbation est devenue, à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, quelque chose de complètement démentiel dans les énoncés médicaux. Et que c'est ça qui a produit la sexualisation des enfants, de l'enfance, la constitution d'une famille qui va regarder ce qu'il en est, où sont les mains, comment sont les draps, etc. Alors là aussi, c'est de l'inspection, là aussi, c'est de la traque, etc. Et qui est une manière de dipianiser la famille à travers la grande campagne sur la masturbation dont il nous reste peut-être quelques énoncés du style « ça rend malade, ça rend sourd », etc. Mais tout ça sont des échos lointains d'une réelle campagne médicale qui a... et ça, il écrit ce volume. Et ensuite, il écrit ce volume sur la direction de conscience, et puis il n'y arrive pas. Les matériaux que j'ai accumulés, ça moncelait comme un tas de sable, et puis ça ne prenait jamais figure, j'arrivais pas. Et je ne voyais pas, si vous voulez, comment on pouvait rendre compte de tout ce qui a constitué ce qu'on pourrait appeler la culture de la sexualité dans notre société. Je ne voyais pas comment on pouvait le déduire de l'interdit. Que ce soit l'interdit de l'inceste, ou l'interdit de l'homosexualité, ou l'interdit des relations prénuptiales, ou l'interdit des relations extra-conjugales, enfin tout ça, il me semble que la complexité des pratiques et des discours concernant la sexualité ne pouvaient pas se déduire des interdits, mais j'étais toujours fasciné par ce thème majeur, il faut tout déduire de l'interdit, parce que la sexualité c'est fondamentalement ce qui est interdit plus encore que tout le reste. Quand Foucault écrit un livre, il fait une première version qui consiste à dire voilà ce que spontanément j'aurais à dire là-dessus. Ce que spontanément je voudrais écrire. Et puis il travaille, il s'aperçoit que c'est pas ça. Et là, ça lui vient. Le plaisir d'écrire, c'est une espèce de rectification de ses premières évidences et de dire, au fond, c'était pas ça. Et c'est encore plus intéressant. Et là, quand il écrit, oui, c'est trop ça. C'est trop ce qu'il avait anticipé, la sexualisation, les enfants, etc. Il perd l'énergie. Et l'énergie lui revient par deux choses. D'abord, tout ce thème que je vous ai raconté de sexualisation des existences, etc., et du rapport du christianisme à la sexualité, il s'aperçoit que c'est quand même une histoire qui ne commence pas au XVIe, au XVIIe siècle, etc. Donc il remonte, il va au XIe, XIIe siècle, c'est là qu'il trouve des choses sur la... sur le gouvernement des âmes comme technique, des techniques, etc. Et puis Tertullien, Cassien, Saint-Augustin. Et là, il trouve la littérature qu'on appelle la littérature des pères de l'Église et toute cette grande interrogation sur le mariage, sur la sexualité et sur le péché originel. C'est-à-dire comment le christianisme, à partir d'une condamnation quand même morale de la sexualité, peut en même temps encourager le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire que le couple marié? Qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur du couple marié d'avoir une relation sexuelle? Comment est-ce qu'on va faire avec le plaisir, etc. Et là, il tombe sur des débats qu'il n'avait pas imaginés. Voilà. C'est-à-dire le problème de savoir qu'en est-il des érections d'Adam, par exemple, dans le paradis. C'est vrai qu'assez spontanément, on se dit, mais... quand même, les pères de l'Église n'ont pas posé la question. Ben si, et c'est très important. Et la réponse qu'on donne à savoir si les érections d'Adam pouvaient être complètement volontaires ou involontaires ou partiellement maîtrisées quand il était au paradis terrestre, c'est des choses tout à fait capitales. Et, alors je parle de la sexualité d'Adam, etc., mais aussi le problème du mariage. Quelles sont les relations entre l'homme et la femme à l'intérieur du mariage? Et toute cette littérature lui redonne envie d'écrire, mais ça veut dire complètement déplacer son dispositif. Il devait écrire une histoire de la sexualité moderne, il se retrouve au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, et des textes qui eux-mêmes sont en train de commenter les écrits de saint Paul, etc. Ça le passionne, et là il écrit, mais à la fin des années 70, début des années 80, il écrit les aveux de la chair. Donc il déplace le curseur chronologique d'une bonne dizaine de siècles. Et là, à nouveau, il s'arrête. Quand je dis il s'arrête, c'est qu'il donne le manuscrit à taper chez Gallimard en disant « mais c'est pas fini parce qu'il me manque quelque chose ». Et ce qui me manque, c'est la lumière grecque. C'est-à-dire, je ne peux pas faire sentir la rupture culturelle qu'a pu représenter la doctrine chrétienne du mariage, de la sexualité, du rapport au corps, etc., sans dire et sans montrer ce qu'il en était justement des Grecs, de l'Antiquité païenne, c'est-à-dire, et quand je dis l'Antiquité païenne, au début il se disait je vais m'en tenir aux stoïciens, il s'aperçoit qu'il faut qu'il remonte au moins à Hippocrate, Platon, etc. Et c'est Paul Venn qui était professeur au Collège de France, qui enseignait l'histoire de Rome, avec qui il avait de longues discussions, qui lui dit d'ailleurs, enfin c'est très bien, mais il faut quand même remonter à la base. On est au début des années 80, donc Foucault a écrit partiellement Les aveux de la chair, a donné le texte à taper. Donc le texte, on dispose du manuscrit, du tapuscrit qu'établit Gallimard. Donc il donne le manuscrit, on lui rend le manuscrit et il dit « mais là, il faut que j'attende, il faut que j'écrive mes volumes sur les Grecs ». Et pourquoi écrire les volumes sur les Grecs? Parce que l'idée, c'était quand même de combattre l'espèce d'évidence un peu naïve qui consiste à dire, vous savez, chez les Grecs, la sexualité, c'était solaire, on acceptait tout, on était tolérant, homosexualité, bisexualité, hétérosexualité, toute cette idée qui consiste à dire qu'au fond, ce qu'apporte le christianisme à la sexualité, c'est l'interdit, la censure. Là aussi, il dit qu'il faut qu'on se débarrasse de ça. Donc, il écrit ces deux volumes, appelé l'usage des plaisirs et le souci de soi, qui paraissent l'année de sa mort. Quand je dis qu'ils paraissent l'année de sa mort, c'est que au moment où il a donné à éditer les volumes 2 et 3 de l'histoire de la sexualité, il se remet aux aveux de la chair, et là, il tombe très gravement malade, ça va assez vite, hein, puisqu'il finit son cours au Collège de France quand même au mois de mars 84, avril, mai, juin, enfin ça va très vite, il meurt sans avoir eu le temps de relire ce que Gallimard avait transcrit. Il est certain que Foucault l'aurait retravaillé, ça oui, ça c'est sûr. Quand vous lisez vraiment les textes, que ce soit ceux d'Hippocrate, que ce soit ceux de Platon sur la sexualité, il n'y a pas de tolérance. Simplement, l'austérité ne se construit pas de la même manière. Bien sûr qu'il y a des points de problématisation, bien sûr que par exemple quelque chose comme la fidélité à l'intérieur du couple marié est quelque chose qui est recommandé. Mais c'est pas recommandé parce que ce serait mal et parce que on exprimerait une sexualité impure. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des styles d'austérité qui varient. Alors, ce qu'il découvre, c'est que, par exemple, si on prend un père de famille dans une maisonnée au 2-3e siècle avant Jésus-Christ, si vous prenez les textes de Xénophon, évidemment que ça va lui poser problème, mais pourquoi? Parce qu'il va se dire, ok, mais quand je vais me présenter à la cité pour gouverner les autres, on va me dire, t'es bien gentil, tu prétends nous gouverner, etc. Mais est-ce que tu parviens toi-même à gouverner tes propres passions? Voilà, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est mal. Après tout, quelqu'un qui profite, je dis ça, j'allais presque dire, j'en frémis en le disant, mais parce que j'allais dire profite de son esclave, sexuellement de son esclave. Ça choque pas dans un cadre grec, tant qu'il n'a pas de prétention politique. S'il veut être dans les premiers de sa cité, alors à ce moment-là, il faut quand même qu'il fasse attention. Parce que finalement, l'infidélité, c'est un marqueur d'un manque de maîtrise de soi. Enfin, c'est quand même très très différent qu'un chrétien qui dit je n'ai pas le droit de tromper ma femme parce que il y a quelque chose comme des interdits divins qui me surplombent et auxquels je dois correspondre, et parce qu'il y a une impureté dans la sexualité qui n'est dépassée que par la constitution d'un couple. C'est pour dire que le projet de l'histoire de la sexualité de Foucault, c'est de dire je vais faire une histoire de la sexualité qui ne va pas passer par le problème de ce qu'on autorise, de ce qu'on interdit, de ce qu'on permet, etc., mais par le biais de l'expérience qu'un sujet fait de son corps, fait de... Si vous prenez les textes d'Hippocrate, par exemple, que découvre Foucault, d'où le titre « L'usage des plaisirs », le problème de la sexualité, c'est pas pris dans la dualité bien mal. C'est qu'il y a des saisons pour faire ça. C'est qu'il y a des moments dans l'année où c'est plutôt mieux. C'est qu'il y a des moments dans la journée, etc. C'est-à-dire, on va définir un code d'usage. Donc, on va définir des arts, qui sont des arts, des plaisirs, où on va essayer de trouver le moment opportun. Le problème du kairos, qu'on appelle le kairos, le bon moment pour avoir une relation sexuelle, c'est pas du tout la dualité bien mal. L'idée m'est venue qu'en fait, les interdits dans une société ne sont vraisemblablement pas la raison profonde, enfin ne sont pas l'objectif tactique fondamental, que ce qui est recherché à travers les interdits, c'est toujours quelque chose de positif. Le pouvoir n'est pas fondamentalement ce qui dit non, mais ce qui, à travers les interdits, permet la gestion, le contrôle, la surveillance, l'utilisation d'un certain nombre de choses. Alors, je me suis demandé si cette analyse en termes tactiques, stratégiques et positifs du pouvoir que j'avais fait à propos de la prison, si cette analyse, on ne pouvait pas la transposer à propos de la sexualité. Et si à propos de la sexualité, il ne fallait pas plutôt poser le problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la sexualité ? Qu'est-ce qu'on fait quand on en parle ? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'intéresse à elle ? Ou qu'est-ce qu'on veut faire ? À quoi ça sert de s'y intéresser ? De sorte que le problème de l'interdit ne doit pas être sans doute le problème premier. Je ne veux pas dire du tout que la sexualité chez nous n'est pas interdite. Je ne veux pas dire du tout qu'elle n'est pas réprimée, je ne veux pas dire qu'elle est permise sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, et sous toutes les conditions possibles. Mais je veux dire que l'interdit, là où il fonctionne, comme par exemple en effet l'interdit de l'inceste, ou l'interdit beaucoup plus souple des relations prénuptiales, ou l'interdit encore plus souple et encore plus laxiste des relations extra-conjugales, bon, si tous ces interdits ne sont pas des pièces à l'intérieur d'un jeu beaucoup plus complexe et beaucoup plus positif, on pourrait dire en gros que les relations de pouvoir, les contrôles sociaux se sont emparés en effet de la sexualité, tantôt pour en parler, tantôt pour empêcher qu'on en parle, tantôt pour l'exciter, la susciter, la favoriser, tantôt au contraire pour la masquer, l'interdire. Il n'y a pas eu toute une technologie politique autour de la sexualité, et c'est cette technologie plus fondamentale que les interdits ou les permissions que j'ai voulu reconstituer. Je vais maintenant vous poser des questions test par mesure de sécurité. Non, allez-y. Quel est le privilège des morts ? Ne plus mourir. Quelle est votre religion ? Je crois aux données immédiates de la conscience. Est-ce que vous faites une différence entre les principes mystérieux de la connaissance et ceux de l'amour. À mon avis, en amour, il n'y a justement pas de mystère. Vous ne dites pas la vérité. Je ne comprends pas. Vous dissimulez certaines choses. J'admets que je pourrais avoir des raisons de mentir, mais comment faites-vous pour différencier le mensonge de la vérité? Vous dissimulez certaines choses, mais je ne sais pas encore quoi exactement. Commence-nous le projet de Michel Foucault dans l'histoire de la sexualité avec le thème du gouvernement des vivants, avec le biopolitique. Je dirais que la biopolitique est un concept qui nous permet de mesurer jusqu'à quel point les gouvernements vont pour s'assurer du comportement des personnes vont être intrusifs dans nos existences, dans ce qu'elles ont de plus vital. Voilà, c'est ça l'idée de la biopolitique. C'est l'idée qu'on va gouverner les gens en considérant pas seulement que ce sont des sujets, mais comme on dit, un sujet du roi, ou que ce sont des citoyens, mais que ce sont des corps vivants. Et en tant que corps vivant, on va développer des politiques, par exemple de natalité, des politiques de santé. Et il y a toute une... La biopolitique, c'est cette idée qu'au fond, désormais, la politique, elle sera faite quelque part, surtout avec les médecins et par les médecins. Quand je dis médecin, c'est très général. C'est-à-dire que c'est un contrôle du corps. Voilà. Tous ces thèmes du gouvernement de soi définissent une bioéthique. C'est-à-dire l'idée que la vie, c'est aussi la manière dont moi-même je vais construire un rapport à moi qui pourra être un noyau de résistance. Il est aussi à la recherche de comment le pouvoir s'exerce. Il y a tout autant dans chaque individu pour se laisser traverser par le pouvoir et donc se laisser conditionner, normaliser et y adhérer, mais il y a tout autant de cela que de possibilités d'invention pour y résister. C'est-à-dire qu'encore une fois, et c'est là, je crois, la leçon qui va tenter de chercher dans l'Antiquité, grecque, peut-être même tout autant chrétienne, c'est que la résistance du pouvoir, elle se tisse dans un rapport de soi à soi. Alors vous allez me dire, mais ça c'est pas de la politique, c'est pas avec ça qu'on fait des révolutions, c'est pas des collectifs, sauf que c'est une amorce indispensable. Et que si cette amorce n'existe pas, ça veut dire que les collectifs forment d'autres pouvoirs et qu'au fond on ne fait que changer de roi, de tyran, de président, mais que voilà, on ne fait que changer de maître. Philippe Chevalier, vous avez consacré une thèse à Michel Foucault. Michel Foucault et le christianisme. Quelle est cette intuition géniale que Foucault a à propos de la sexualité? Pourquoi la chair doit passer aux aveux? Il a cette intuition que la sexualité n'est pas tant l'objet d'une répression, même si par ailleurs elle est réprimée, mais on va dire c'est un effet de surface par rapport à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est une chair étonnamment bavarde. Et une chair, on va dire une sexualité, un désir, qui est devenu finalement dans notre société le lieu qui va caractériser de la manière la plus profonde et la plus inamovible, indélébile, notre personnalité profonde, à travers à la fois tout un ensemble de dispositifs judiciaires et médicaux, avec la naissance de la psychiatrie, avec la manière dont la sexualité va devenir, via la psychiatrie, un objet de connaissance. Voilà, donc c'est notre situation en fait actuelle que Michel Foucault va essayer d'éclairer. Et du coup, mais pourquoi est-ce que la sexualité est aussi importante dans notre vie aujourd'hui? Et pourquoi est-ce qu'elle est importante sur le mode du discours? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut sans cesse en parler, pour faire remonter à la lumière quelque chose qui serait sa face obscure, quelque chose qui serait essentiellement, originellement, tu, parce que ce n'est pas dit, parce que c'est honteux. Et donc seule la parole va finalement permettre de faire la vérité sur notre sexualité. Il faut raconter notre sexualité pour qu'en face de nous, le psychiatre, le juge, puisse véritablement nous connaître et savoir quelle est la vérité profonde de notre personnalité. Foucault demande aussi d'où vient cette idée qu'il y a une vérité cachée qu'il faut sans cesse aller débusquer. Alors, il a l'intuition que ça a quand même quelque chose à voir avec, on va dire avec beaucoup de guillemets, beaucoup de prudence, parce qu'il se méfie beaucoup des grandes généralités, mais que ça a quelque chose à voir avec l'expérience chrétienne de la chair, c'est-à-dire avec la manière dont le rapport à la chair et au désir s'est élaboré à travers les siècles, mais sur une période très longue. C'est des attentions nouvelles, c'est des mots nouveaux, des manières nouvelles de parler de nous-mêmes, des actes nouveaux, des actions nouvelles que l'individu est amené à faire sur lui-même et que peu à peu vont se structurer des actes d'aveu. Va apparaître la nécessité pour le chrétien de dire la vérité de lui-même. C'est là où cette idée qui ensuite va se développer et va ensuite prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, mais après beaucoup de transformations et beaucoup de ruptures, mais cette idée quand même qu'il y a une profondeur de l'âme, qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'il y a quelque chose qui doit remonter à la lumière, que ce qui doit remonter à la lumière, c'est quelque chose qui vraiment est notre être profond, et que cette remontée à la lumière est la condition pour que le sujet chrétien vive une vie sainte, de pénitence, et soit en route, soit en marche vers le salut. Il faut désormais que le chrétien confesse à vous ce qui se passe en lui, ce qui se passe au fond de lui-même. Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements ? Des désirs? Non. Ta supérieure doit connaître toutes tes pensées. Je demande à être libre. Quoi, Sœur Suzanne, vous voulez nous quitter? Oui, madame. Avez-vous prévu les persécutions qui vous attendent? Mes sœurs, l'une de vous a péché gravement contre la sainte obéissance. Vous êtes donc coupable? De quoi? De tout! Je n'ai rien fait qui puisse offenser ni Dieu ni les hommes. Michel Foucault va définir son travail. À partir de la fin des années 70 jusqu'à sa mort, il va redéfinir son travail comme une histoire des problématisations. C'est la manière de poser un problème, en fait, qui change radicalement entre la Grèce classique et la période hellénistique, et ensuite, d'un autre côté, le monde chrétien, qui va poser le problème que nous sommes à nous-mêmes avec des termes radicalement nouveaux. Et vous voyez bien que, effectivement, le péché est radicalement nouveau. Tout d'abord, le péché, c'est pas un péché par rapport à un idéal de vie, c'est le péché devant Dieu, un Dieu qui est un être personnel. On va voir aussi que les techniques de soi vont beaucoup évoluer, avec des techniques d'examen de soi-même qui vont aller beaucoup plus profond dans notre âme, puisqu'on va faire attention non pas seulement à ce que l'on a fait, on va pas faire attention uniquement aux rêves qu'on a eus, mais on va faire attention à la moindre de nos pensées, on va faire attention au moindre mouvement de notre âme, et avec cette injonction nouvelle, d'aller, d'en rendre compte, d'en parler, d'avoir un discours dessus, d'en parler à un directeur spirituel. Donc tout ça, vous voyez, nouvelle technique de soi, nouvelle thématique, nouveau thème aussi. On a parlé du péché, on pourrait parler aussi de cette idée que Satan habite au fond de l'âme et donc Satan essaie de prendre le pouvoir sur l'âme. Toute cette idée nouvelle que la philosophie antique ne connaissait pas du combat spirituel, qui est l'état finalement d'existence de l'âme. Satan est prince de ce monde. Il l'a dans ses mains. Il est là, vainqueur. M'avez-vous compris? Je vous dis que nous sommes vaincus. Et Dieu avec nous, vaincu, vaincu. Quel blasphème! Laissez-moi. Ne m'écoutez plus. Eric Gros, est-ce que vous pensez qu'on va trouver des trésors dans les archives de Michel Foucault ? Je crois qu'il en reste quelques-uns, mais j'espère de manière tout à fait égoïste que la vraie pépite, vous l'avez devant vous. Mais il faut bien voir que la publication de ce volume fait entendre quand même que Foucault, pendant 10 ans, a travaillé sur le christianisme. Et ça, on ne s'en rendait pas compte. De 75 vraiment à 84, il ne cesse de venir et de revenir à ce fond chrétien. Foucault, qui jusqu'à la fin des années 70 était considéré quand même comme le penseur de notre modernité disciplinaire, normative, etc., fait un détour par l'antiquité païenne, mais il faut rajouter maintenant l'antiquité chrétienne aussi, voilà, parce que c'est jusqu'au 3e, 4e, 5e siècle qui inclut aussi le christianisme, oui. Non, voilà, non, je ris un peu. Disons que les aveux de la chair étaient la grosse pépite des archives. Mais ça n'empêche pas qu'on va avoir d'autres éclats de diamants. Oui. Il y a une très belle, vous trouverez ça dans le cahier de Lerne. Il existe une première version de l'archéologie du savoir où Foucault fait une très très belle description de ce livre qu'il aimerait écrire. Foucault nous dit que on n'écrit jamais que depuis le vide laissé par ce livre manquant. Et heureusement, heureusement qu'il manque. Hein, sans ça, on s'arrêterait. En ce moment où j'écris, et où me manque si cruellement la certitude de pouvoir faire un livre, de pouvoir faire tenir ensemble les phrases que je décide, je n'essaie pas de me réconforter en retournant la tête et de jeter les yeux en arrière vers ces livres déjà faits qui pourraient peut-être me rassurer sur mes possibilités actuelles. Au contraire, j'écris aujourd'hui et ici à partir de leur inexistence et du vide qu'ils ont laissé en moi. Ce qu'au fil des jours j'ai déposé en signes menus sur des feuilles de papier, ce qui d'une manière assez surprenante s'est trouvé pris dans l'institution de l'imprimerie, de l'édition, de la lecture et de la critique, ce n'était point des livres, mais c'est en dessous de l'écriture qui devait rendre possible un livre. Comme beaucoup, je crois, j'écris pour atteindre à ce livre au singulier. C'est un rêve qu'on rencontre facilement. Livre premier, auquel tous les autres doivent revenir. Livre éponyme, épopée fondatrice, Bible, parole de Dieu. Contrat archaïque dont tout livre, quel qu'il soit, ne peut être que le commentaire, la redécouverte, la mise en lumière, la répétition patiente ou la damnable trahison. Livre dernier, qui rend tous les autres inutiles, qui les renvoie au silence et les calcine de sa lumière foudroyante, instantanée, définitive. Michel Foucault, Le livre et le sujet, 1966. C'était un dernier Foucault publié et la chair passa aux aveux. Avec Benoît Forgeau, libraire antiquaire rue de l'Odéon à Paris. Bruno Racine, ancien président de la Bibliothèque nationale de France. Frédéric Gros, philosophe et professeur d'humanité politique à Sciences Po. Philippe Chevalier, auteur de la thèse Foucault et le christianisme et responsable d'études de public à la BNF. La voix de Michel Foucault était enregistrée au micro de Paula Jacques en 1977. Extrait des films Grand Torino de Clint Eastwood, Alphaville de Jean-Luc Godard, La religieuse de Jacques Rivette, Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat. Thierry Beauchamp a lu un extrait du texte Le livre et le sujet de Michel Foucault, projet d'ouverture de l'archéologie du savoir, publié dans les cahiers de Lerne. Merci à Claudine Herma-Bessière et à Bertrand Pic. Prise de son, Thibaut Nassimben, Laurent Lucas, Romain Luquins. Mixage, Manuel Couturier. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Anna Smuk. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au Collège de France, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret.